Les considérations inactuelles. Les quatre considérations inactuelles sont absolument combatives. Elles démontrent que je n'étais pas un rêvasseur, que je prends plaisir à tirer l'épée. Peut-être aussi que je suis doué d'une singulière habileté du poignet. La première attaque, 1873, fut dirigée contre la culture allemande que je considérais alors déjà avec un mépris sans ménagement. Pour moi, elle était dépourvue de signification, sans substance et sans but. Elle ne représentait qu'une opinion publique. Il n'y a pas de plus dangereux malentendu que de croire que le grand succès des armées allemandes prouve quelque chose qui soit en faveur de cette culture, que ce succès signifie même la victoire de cette culture sur la France. La seconde considération inactuelle, 1874, met en lumière ce qu'il y a de dangereux, ce qui ronge et empoisonne la vie dans notre façon de faire de la science. La vie est malade à cause de ce rouage inhumain et mécanique, à cause du travail impersonnel de l'ouvrier, à cause de la fausse économie dans la division du travail. Le but, qui est la culture, se perd. Le moyen, l'activité scientifique moderne, barbarise. Dans ce traité, le sens historique, dont ce siècle se montre si fier, est pour la première fois présenté comme une maladie, comme l'indice typique de la décomposition. Dans la troisième et la quatrième considération inactuelle, on oppose à cela, comme signe avant-coureur d'une idée plus haute de la culture et d'une restauration de l'idée même de culture, deux figures illustrant le plus strict culte du moi, la culture du moi la plus rigoureusement disciplinée, bref, deux inactuels par excellence, pleins d'un souverain mépris pour tout ce qui les entourait, que cela s'appela Reich, culture, christianisme, Bismarck, succès, on aura reconnu Schopenhauer et Wagner, ou, en un mot, Nietzsche. Parmi ces quatre attentats, le premier eut un succès extraordinaire. Le bruit qu'il fit fut magnifique à tous les points de vue. J'avais touché une nation victorieuse à son point vulnérable. J'avais montré que sa victoire n'était pas un événement dans l'histoire de la civilisation, mais peut-être tout autre chose. Les réponses vinrent de tous les côtés, non pas seulement des vieux amis de ce David Strauss, que j'avais rendu ridicule comme le type d'un satisfait et d'un philistin de la culture allemande, bref, comme l'auteur de cet évangile de brasserie qu'est l'ancienne et la nouvelle foi. Le mot « philistin de la culture » a passé dans le langage courant à la suite de mon livre. Ces vieux amis, dont je blessais profondément la vanité de Württembergeois et de Swab, lorsque je m'avisais de trouver comique leur prodige, leur Strauss, répondirent d'une façon aussi honnête et grossière que je pouvais souhaiter. Les répliques prussiennes furent plus malignes. On y reconnaissait le bleu berlinois. Une feuille de Leipzig, c'est Grenzboten, tant décrié, se permit d'écrire ce que l'on pouvait imaginer de plus inconvenant. J'eus beaucoup de peine à empêcher les Ballois indignés de se livrer à certaines manifestations. Seuls quelques vieux messieurs se décidèrent en ma faveur, pour des raisons très différentes et souvent inexplicables. Parmi eux se trouvait Ewald de Göttinge, qui donna à entendre que mon attentat avait été mortel pour Strauss. De même le vieil Hegelien Bruno Bauer, qui fut depuis lors un de mes lecteurs les plus attentifs. Il aimait, durant les dernières années de sa vie, à s'appuyer sur moi pour indiquer par exemple à M. de Treitschk, l'historiographe prussien, où il pourrait trouver des renseignements sur l'idée de culture dont il avait complètement perdu la notion. Celui qui consacra à l'ouvrage et à son auteur les pages les plus graves et aussi les plus longues était un ancien disciple du philosophe von Bader, un certain professeur Hoffmann, à Würzburg. Il prévoyait pour moi, d'après cet écrit, une vocation supérieure, celle de provoquer une sorte de crise et d'arrêt décisif dans le problème de l'athéisme, dont il devinait que j'étais un des types les plus instinctifs et les plus radicaux. L'athéisme était ce qui m'avait conduit à Schopenhauer. Ce qui fut de beaucoup écouté avec le plus d'attention, ce à quoi l'on a été le plus amèrement sensible, ce fut un plaidoyer extrêmement vigoureux et courageux de ce Karl Hildebrand, généralement si doux, Karl Hildebrand, ce dernier Allemand humain qui savait tenir une plume. On lisait son article dans la Gazette d'Augsbourg. On peut le lire aujourd'hui sous une forme un peu atténuée dans ses œuvres complètes. Là, l'ouvrage était présenté comme un événement, un moment critique, une première détermination personnelle, un excellent symptôme, comme le véritable retour du sérieux allemand dans les choses de l'esprit. Hildebrand était plein d'éloges pour la forme du livre, pour son goût mûri, pour son tact parfait dans le discernement des personnes et des choses. Il le considérait comme le meilleur écrit polémique de la langue allemande. Le meilleur écrit dans cet art de la polémique, si dangereux pour les Allemands et dont il convient de les dissuader. Il m'a prouvé du reste, il allait même plus loin que moi dans ce que j'avais osé dire au sujet de l'avilissement du langage en Allemagne. Aujourd'hui, ils jouent aux puristes et ne sont pas capables de construire une phrase. Il méprisait comme moi les premiers écrivains de cette nation et finissait par m'exprimer son admiration pour mon courage, ce courage suprême qui mène au banc des accusés les favoris d'un peuple. Le contre-coup de cet écrit fut véritablement inestimable dans ma vie. Personne ne s'est mis, depuis lors, à discuter avec moi. On se tait maintenant. On me traite en Allemagne avec des ménagements astucieux. Depuis des années, j'ai fait usage d'une absolue liberté de langage, un privilège dont personne ne jouit plus, du moins dans l'Empire. Mon paradis se trouve à l'ombre de mon épée. Au fond, j'avais mis en pratique une maxime de Stendhal qui conseille de faire son entrée dans le monde avec un duel. Et comme j'avais bien choisi mon adversaire, c'était le premier libre penseur de l'Allemagne. À vrai dire, c'était une espèce toute nouvelle de libre pensée qui s'exprimait pour la première fois. Jusqu'à présent, rien ne m'a été plus étranger que toute la catégorie des libres penseurs, qu'ils soient européens ou américains. Avec ceux-là, qui sont les têtes creuses et les pantins de l'idée moderne, je me trouve même beaucoup plus complètement en contradiction qu'avec n'importe lequel de leurs adversaires. Ils veulent aussi rendre l'humanité meilleure, à leur façon et à leur image. Ils déclareraient une guerre implacable à tout ce que je suis, à tout ce que je veux, en admettant qu'ils soient capables de le comprendre. Ils croient tous encore à l'idéal. Je suis le premier immoraliste. Je ne voudrais pas prétendre que les deux considérations désignées par les noms de Schopenhauer et de Wagner pourraient servir particulièrement à l'intelligence de ces deux cas, ni même à en poser le problème psychologique, exception faite bien entendu de certains détails. Cependant, avec une profonde sûreté d'instinct, ce qu'il y a d'élémentaire dans la nature de Wagner était déjà désigné comme un don de comédien qui, dans tous ses moyens et toutes ses intentions, ne tire que ses propres conséquences. Au fond, avec ces deux écrits, je voulais faire tout autre chose que de la psychologie. Un problème d'éducation qui n'avait pas son pareil, une nouvelle conception de la discipline de soi, de la défense de soi, allant jusqu'à la dureté, une poussée vers le sublime et vers la tâche historique, chercher à trouver là sa première expression. Tout bien considéré, je me suis emparé de deux types célèbres et nullement encore fixés, je les ai pris aux cheveux, comme on prend une occasion aux cheveux, simplement pour exprimer quelque chose, pour avoir en main quelques formules, quelques indications, quelques moyens d'expression de plus. Du reste, je fais allusion à cette particularité avec une sagacité absolument inquiétante à la 93e page de la troisième considération inactuelle. Platon s'est servi de Socrate de la même façon. comme d'une sémiotique pour Platon. Maintenant que je reviens avec un certain recul aux états d'âme dont ces écrits sont le témoignage, je ne voudrais pas disconvenir qu'au fond, il ne parle que de moi-même. L'ouvrage Wagner à Bayreuth est une vision de mon avenir. Par contre, dans Schopenhauer éducateur, sont inscrits à la fois mon histoire intime et mon devenir. On y trouve avant tout le vœu que j'ai fait. Ce que je suis aujourd'hui, où je suis aujourd'hui, une hauteur où je ne parle plus avec des mots mais avec des coups de foudre, oh combien loin j'en étais alors encore. Mais je voyais la terre. Je ne me trompais pas un seul instant sur la route qui restait à parcourir, sur l'état de la mer, sur les dangers et le succès. Il y a un grand calme dans la promesse, une heureuse perspective dans un avenir qui ne doit pas rester seulement en vain une promesse. Ici chaque mot est vécu, profondément, intimement. Il n'y manque pas de choses douloureuses. Il y a des mots qui sont véritablement sanglants. Mais le vent d'une grande liberté souffle par-dessus tout cela. La blessure même n'apparaît pas comme une objection. Comment je conçois le philosophe ? Comme un terrifiant explosif qui met le monde entier en péril. Comment je situe l'idée que je me fais du philosophe ? À mille lieues d'une notion qui englobe encore jusqu'à un Kant, sans même parler des ruminants universitaires et autres professeurs de philosophie. Là-dessus, ce texte livre un inestimable enseignement. Même en admettant que ce ne soit pas tant Schopenhauer éducateur, mais son antipode, Nietzsche éducateur, qui s'y exprime. En considérant que mon métier était alors celui d'un savant, et aussi que je m'entendais à mon métier, le morceau de sévère psychologie du savant qui apparaît soudain dans cet écrit n'est pas sans importance. Il exprime le sentiment de la distance, la profonde sûreté de main, pour discerner ce qui peut être chez moi la tâche, de ce qui n'est que moyen, intermède, œuvre accessoire. Ce fut ma sagesse d'avoir été beaucoup de choses dans des endroits différents pour pouvoir devenir un, pour pouvoir aboutir à un seul. Il était nécessaire que pendant un certain temps je fusse savant.